J'ai mangé le sol, elle a mouillé sur bitume, mouillé tiède, léché chaud l'asphalte. Des gougoulines à vache, prélassées, telle une chatte. Des lions qui rient, tournoient autour, cercle des as. Ils m'attirent la langue jusqu'à sa hanche sanglante et crue. Se rapproche même de sa caverne ouverte et moite. Elle a léché, mangé le sang, elle a mouillé sur bitume, mouillé tiède, léché chaud l'asphalte. Si elle meurt ici, elle aura au moins joui. Si elle s'endort, le soleil emportera son corps. Son sang sur la langue, tache de sirop, une goutte d'eau. Dis-lui sueur et lion l'estre de son nez. J'ai mangé le sol, elle a mouillé sur bitume, mouillé tiède, léché chaud l'asphalte. C'était Mouillé tiède du collectif Pédale. Merci. Et maintenant, la hotline des auditeuresses.